ne peux pas t'enlever pour t'offrir la fortune. Je ne suis pas du genre à te décrocher la lune. Vissée à tes yeux clairs et ta peau de satin, le prince des courants d'air, le roi de rien. Je ne suis pas le gardien de ton palais d'Orient. Je n'ai jamais su jouer les princes charmants. Drapé de ton parfum, je m'enivre de toi jusqu'au rare matin où je suis avec toi. Et si je te manque parfois, ferme les yeux et je serai là. Même loin, même mort, ferme les yeux et tu verras. Parfois poursuivi par les ombres, si tu te crois perdu aux heures les plus sombres, ferme les yeux encore et écoute ma voix qui dit tu vaux de l'or et je suis avec toi. Je sais bien que le temps gagne à tout coup sans tricher, et je ne peux pas lire l'avenir dans nos baisers. Jusqu'à demain, nous marchons pas à pas, bercés par les embruns de Charybde dans Scylla. Et si je te manque parfois, ferme les yeux et je serai là. Même loin, même mort, ferme les yeux, tu me verras. Parfois.